On dit au revoir à trois pièces. Et lorsqu'on dit au revoir à des pièces, on appelle ça Palmerest in Peace. Oui. Just mountains of change. What's gonna happen to you? I you have woke up too soon. And the world is rearranged. And now your feelings have changed. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Mars 2015. On a débuté avec Kipler et Carnivore qui a duré 5 semaines. Il s'est fait manger après ça par un ours, je pense. Les passagers qui ont pris un billet vers ailleurs qu'ici avec Le Ciel est noir qui a duré 8 semaines. Et finalement, Brother Octopus s'est noyé. Ou est parti à la recherche de Bigfoot. Le nom de la pièce est Bigfoot après 7 semaines que c'est parti. Voilà pour Palmerest in Peace. On dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés juste après les nouvelles entrées dans les palmarès. C'est fou.